Chapitre 5e. La mère était entrée dans la villa par la porte de derrière, si abîmée dans ses pensées qu'elle n'avait même pas remarqué le cocher en train de laver devant l'écurie les roues de la charrette anglaise, ce qui signifiait que sa mélancolique promenade avait duré bien plus que la messe. Guy et Alice étaient rentrés depuis longtemps déjà. Aussi, comme Elisabeth s'engageait dans le couloir sur lequel donnait la chambre du mort, ce lui fut un sursaut presque fantastique de voir la porte entr'ouverte et d'entendre des voix, celles des deux enfants, dont la seule image avait hanté toute sa matinée d'une obsession de haine et d'injustice. Que faisait-il dans cette pièce où il avait défendu que personne ne pénétrât jamais et qui eût été tout à fait obscure, si un rayon de soleil ne l'eût, entre l'interstice de la fenêtre et l'entrebâillement de la porte, coupé par une barre de clarté. Sa brassée de bruyère toujours serrée contre son cœur, dont les battements redoublaient, elle s'arrêta pour écouter ce que disaient les deux visiteurs, dont elle distinguait mal les gestes, et avec une émotion dont elle n'aurait su dire s'il était délicieuse ou déchirante, elle comprit que ce demi-frère et cette demi-sœur du pauvre André l'avaient devancée dans le pèlerinage de tendresse qu'elle venait d'accomplir. Par cette radieuse matinée, les deux tendres enfants s'étaient rappelés le compagnon de leur jeu qui n'était plus là. Il lui avait cueilli des fleurs dans le jardin, comme elle dans le parc, et par une puérilité attendrissante, ils avaient voulu associer l'absent à la fête du jour en lui apportant un présent de Pâques, des œufs achetés à la porte de la chapelle. « Il faut mettre le bouquet ici, » disait la voix d'Alice. « Tu te souviens des beaux insectes dorés que nous prenions pour lui dans les roses ?»« Et là, les œufs, » disait la voix de Guy, « comme nous avions fait l'année dernière. Il était si content. Comme je voudrais le revoir et l'embrasser. C'est impossible puisqu'il est mort, mais nous le retrouverons au ciel. » reprenait la petite fille. « Si pourtant il ressuscitait, » répondait le petit garçon. « Lazare est bien ressuscité, et notre Seigneur, je le demande au bon Dieu tous les soirs et tous les matins, maman aussi, j'en suis sûr. Ce serait un miracle, voilà tout. Et pourquoi le bon Dieu ne nous l'accordera-t-il pas? Car enfin, il y a des miracles. » Le naïf croyant de 9 ans qui prononçait ces paroles ne se doutait pas qu'en effet un miracle s'accomplissait à sa voix, tout près de lui, une résurrection aussi, celle de la justice et de la pitié, de l'affection et du devoir, des généreuses et hautes vertus, dans l'âme de celle qui avait été si près de devenir, pour sa sœur et pour lui, la plus implacable des marâtres. De surprendre ainsi la preuve enfantine du souvenir que les deux orphelins gardaient à leur frère mort, venait de la remuer jusque dans la chair de sa chair, et avec une crainte d'être grondée, chargée aussitôt en une si douce effusion, Guy et Alice virent la porte s'ouvrir toute grande et la mère entrer, leur mère, et elle leur tendait ses fleurs en leur disant « Donnez-lui celle-là avec les vôtres ». Et elle les prenait toutes deux à la fois, les serrant contre sa poitrine, passionnément, follement, comme elle eût serré l'autre. Ne les retrouvait-elle pas, eux aussi, après les avoir perdus? Et elle pleurait des larmes d'une souffrance égale, mais adoucie de tendresse, comme si l'esprit de son ange envolé lui soupirait tout bas « Aime-les de tant m'aimer ». La hideuse rancune, les résolutions mauvaises, la cruelle envie, tous les ferments des basses passions se fondaient, se résolvaient, s'en allaient dans ses baisers. Une fois de plus, le grand mystère de renouveau, célébré par l'Église et visible sur ce paysage de printemps, s'accomplissait dans un cœur humain. La vie venait d'en chasser la mort, l'amour venait d'y vaincre la haine. Ainsi s'achève Résurrection par Paul Bourget.